Année 80, nouveau-né, carburant en franc. C'est les Français qui brassent au bar, ça se tape des barres. Cassette audio, je rabobine, je t'embobine la bobine. Mais play ou copie avec la touche rec, c'est correct. La musique à un grain, c'est bien physique et mélodique. Réparer et écouter avec le baladeur, la cassette en stéréo audio, ça le vaut. Se prêter ou échanger la musique pour sa main, c'est dans les soirées. Le baladeur dans la main ou la poche, on se rapproche. Il y en a qui te reprochent et ça va dans la rue, musique aux oreilles. Dans le baladeur, casque là bas, je me balade. Ambiance, je trace la route, c'est plus pareil, musique mélodique. Le gratuit est devenu interdit. Qui te dit le chemin te spoil la roue? Qui invente une situation, on déconne comme un troll. Tu connais, c'est les bases. Le gratuit est interdit dorénavant sur internet. Toi, t'es fiftif comme un pif-pif, publicité erronée. Je vais de l'avant sur le net, merci pour la planète. Caractéristiquement, tout free to play. C'est toi le produit triple play. Alors que l'internet est prix mondial pour payer, pour accéder à un savoir comme Wikipédia est là. C'est le monde qui porte le réseau. À cheminer, on se balade sur la toile. Pas de réseau, va chez le voisin pour économiser ton abonnement. Prochainement, un wifi, j'amplifie le signal de cigogne. Pourquoi s'en priver de partager? Car ils nous le font payer. Vie publique, vie privée, il n'y a plus de frontières. Quelle ironie, sur cette planète, j'en jette. Le gratuit est devenu interdit. Qui te dit le chemin te spoil la route? Qui invente une situation, déconne comme un troll. Pour démarrer un nouveau jeu, faut arrêter. C'est de reprendre tout à zéro pour s'amuser. En mode, je fais cela pour moi, pourquoi pas faire par faire, faire passer le temps, apprendre et découvrir. C'est la logique qui devient logique, ne pas rester inerte. Voilà là, pourquoi la mafia t'alerte. Des nouveautés pour passer le temps, c'est mon jeu, je suis toujours partant dans tous les temps et en rythme avec le temps. Je respecte les valeurs des gens, je ne suis pas chapi-chapeau, je négocie car je suis sociable. Dans une société passable, où tout change à tout bout de champ, vaut mieux avoir que prévoir. De quoi passer des moments et tuer le temps, qui regarde et me cherche à chaque instant. Pour se divertir entre Netflix, aux vidéos Prime, ou encore Disney Plus. Si chacun son tour et rebelote, société de consommation, serre-moi un petit apéro à l'eau. Plateforme actuelle à la mode de plus en plus, Stopify. J'ai toute une harmonie de musique à volonté. Que dois-je écouter pour faire un full sound?